Activité 6B. Tendez l'oreille. Dites si vous entendez un ou une. 1. Un porte-monnaie. 2. Un casque. 3. Une brosse à cheveux. 4. Un appareil photo. 5. Un téléphone. 6. Une bouteille. 7. Un ordinateur.